Je ne peux l'acheter. Je donnerai tout en lui. Tout mon ami, oh mon ami, crois-moi si je le pouvais, je ne peux l'acheter, non. L'amour dont j'ai rêvé, je ne peux l'acheter, non. Non, non, non, non. Les amours qui vous font pleurer, il y en a plein les rues. Mais maintenant j'en ai assez, mon pauvre cœur n'en peut plus. Je donnerai tout, tout mon ami, oui tout pour me l'acheter. Je ne peux l'acheter.